Je suis arrivé à la porte et j'ai frappé tout doucement. Puis j'ai entendu rentrer. C'était une voix de femme. Alors je suis rentré. Je la connaissais pas, elle me connaissait pas. Elle m'a demandé ce que je voulais. Elle avait une drôle de gueule, c'était une rouquine. Peut-être aux 50 ans. Peut-être beaucoup plus jeune, mais déjà tellement bouffée au verre. Une rouquine qui se teignait rouquin. Qui était une brune avant. On aurait dit un balai sur eux, sur un crâne pratiquement désossé. Elle avait bénéficié de tout ce qu'on avait laissé. Elle était peut-être là depuis un mois, peut-être un an. Non pas je m'étais désintéressé de ma cave, mais je n'étais plus jamais redescendu. Je ne savais pas ce que c'était devenu. Tout ce que j'avais appris, c'est qu'il n'y avait plus d'inondation. Que quand je descendais chercher de temps en temps du charbon, et que c'était juste à la période des crues, il n'y avait pas d'eau. Elle m'a demandé de m'asseoir, j'ai accepté. Elle m'a demandé qui j'étais et si j'habitais dans la maison. Je lui ai dit oui, je suis le fils du premier à droite. Alors tout de suite, elle s'est mise à sourire, elle m'a offert un verre de vin. Elle savait que j'étais parti. Et puis elle m'a regardé avec un tout petit sourire et elle m'a fait comprendre qu'elle savait que lui aussi était parti depuis très peu de temps. Et elle s'est mise à rigoler. À rigoler sans que je sache pourquoi, ni même que je le comprenne. Et quelques heures après, même pas une heure peut-être, alors que je m'apprêtais moi à remonter et à retrouver le premier étage, il y a une gosse qui est arrivée. Une petite fille, qui avait une dizaine d'années, malingre. La seule chose qui était grande en elle, c'était ses yeux. Elle avait aussi de toutes petites oreilles. J'ai repensé une seconde à la taille de Nanette. Puis j'ai chassé ça. Elle est venue vers moi et très gentiment, elle m'a fait le bibi. Un bon bec sur les joues. Alors je lui ai rendu ça. Puis elle est restée entre mes jambes. En penchant sa tête et en amenant un doigt vers une oreille. Je lui ai demandé son nom. Elle s'appelait Marguerite. Un très joli nom, je lui ai dit. Je lui ai donné le mien et elle m'a dit qu'elle le connaissait. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Alors elle jouait dans la cave. Je lui ai dit, à quoi tu joues? Elle me dit, je peux pas le dire, maman, elle veut pas. Je lui ai dit, bah, dis-le quand même, moi je suis là. Moi j'ai habité là. Tu dors dans quel lit? Elle m'a montré mon petit lit. Et en voyant le petit lit, j'ai vu l'étagère au-dessus du lit où il y avait le poste de TSF. Alors là, il y avait un tas de petits paquets. Des petits paquets qu'on n'avait peut-être jamais fait. C'était peut-être des boîtes de médicaments, mais je voyais pas ça de là où j'étais. Je lui ai dit, tu dors bien dans ce lit? Elle m'a dit qu'elle rêvait. Alors les petites questions, pas du tout d'usage, mais je voulais savoir à quoi elle rêvait. J'aurais été très heureux si elle m'avait dit qu'elle rêvait comme moi. Par exemple d'une plaine ou de chevaux qui sautaient des haies. Ça lui arrivait de rêver de cheval, d'un grand cheval, sur lequel elle essayait de monter, mais il était tellement haut qu'elle ne pouvait pas arriver. Alors elle tirait après la crinière, le cheval, il baissait la tête, mais elle ne pouvait pas arriver à monter sur la tête. Alors elle avait essayé par la queue et en tirant sur la queue, il était sorti du crottin. Elle s'est excusée, c'était pas une belle histoire, qu'elle allait se faire gronder par sa mère. Elle parlait avec une petite voix si fluette, si douce, c'était un petit chemintement de gaz qui fait bouillir une casserole. C'était d'un beau. Puis elle m'a demandé moi ce que je rêvais. Alors je dis oui, je rêve aussi. Je rêve de chevaux. Mais moi je réussis à monter dessus parce que je suis plus grand. Puis je me mets à cavaler. Alors elle m'a dit oui, mais il paraît que quand un cheval ça s'emballe, eh bien, il faut se mettre à travers lui, dans la route, ouvrir les bras et puis lui prendre les morts. Oui, c'est vrai, faut faire ça, mais pas une fille, un garçon. Seulement moi, les chevaux que la nuit je connaissais, eh bien, ils s'emballaient pas. Ils allaient vite, mais j'avais jamais peur et c'était jamais dans une rue. On courait dans les bois. Ah, elle m'a dit que c'était le bois de Saint-Cloud. Je dis, oui, c'est ça, on court dans les bois de Saint-Cloud. Puis elle était allée, elle a essayé de me chercher ses jouets. C'était beau, c'était resté très, très propre. Elle était très soigneuse, on le voyait tout de suite, avec un petit tablier, une robe qui dépassait par en dessous. Si ce n'avait été sa maigreur, on aurait presque pu la prendre pour une petite d'un étage et non pas de la cave. Et comme il y avait la grande table ronde au milieu qui était restée là chez elle, j'ai jeté un coup d'œil en dessous. Puisque j'étais parti pour remettre mes pieds dans mes empreintes, au moins que j'aille jusqu'au bout, j'ai regardé la plaque. Il y avait la plaque d'égout en dessous de la table. Alors elle a vu que je la regardais, puis elle m'a dit « Des fois, je mets mon oreille là-dessus, puis j'écoute. » J'ai dit « Mais t'as pas peur qu'il y ait quelque chose qui vienne par le trou ?» Elle me dit « Non, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne ?» Je dis « Je sais pas. Un petit bonhomme ?» Je pensais pas à un rat. Mais si j'avais pensé à ça, ça m'aurait fait peur. Je lui ai dit « Tu sais, faut pas trop mettre ton oreille là-dessus. » Il y a un moment, l'eau venait. « Oui, je sais. Tiens, je vais te montrer. » Puis elle me montre et... Jamais j'avais remarqué que la peinture que le père avait passée sur les murs avait laissé, comme un sismographe qui prend tous les tremblements, avait laissé toutes les traces des crues passées, précédentes, de plus en plus hautes, qui laissaient une trace de plus en plus claire, qui avait rongé la peinture. Alors on a parlé de la plaque. C'était pour elle un copain, c'était pas une copine, c'était pas une plaque, c'était un plaque peut-être. Alors je lui dis que moi aussi, je m'asseyais. Puis je me suis penché vers son oreille et je lui ai dit « Une fois j'avais pipi dans le trou. » Alors elle a rigolé. Elle m'a dit « Oui, moi je peux pas parce que j'ai pas un robinet. » J'ai dit « Oui, t'as pas un robinet, moi j'ai un robinet. » Moi je m'en mettais là, puis allez hop, ça pissait. Puis sa mère, elle s'est taillée. Elle a dit « Bon, moi je vous laisse un peu, hein. Je reviendrai tout de suite. » Je crois que la vieille, elle faisait encore le tapin, là. Je dois pas me tromper. Elle a dû aller dans la rue du port. Alors avec la gosse, je pouvais plus la laisser et tout y est passé. Ce qu'elle mangeait, ce que j'aimais, ce qu'elle n'aimait pas. On essayait de trouver des points comme ça pour nous rencontrer. Et puis, tout à coup, au moment où je m'y attendais le moins, brusquement, elle ouvrait les bras et puis elle venait poser un gros bibi. Alors moi, je lui rendais ça par des gros bébecs. Ça marchait vraiment au petit poil de poêle.